Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, trois lettres que tout embrase. DSK. Depuis une nuit de mai 2011, chaque article autour de Dominique Strauss-Kahn porte désormais le parfum du scandale. D'histoires où se mêlent argent, violence, pouvoir, libertine, prostituées et autres femmes qui un jour ont croisé l'appétit sexuel de l'ex-directeur du FMI, celui-là même qui prétendait à la plus haute fonction de notre République. Aujourd'hui, c'est l'affaire du Carlton à Lille, un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre pendant des années, mais qui s'est conclu par la relaxe de la plupart des accusés. Au commencement, cette histoire prend des airs de mauvais roman, dont les personnages sont des hommes en costume, gérants d'entreprises, dentistes, policiers, avocats et personnalités, ayant en commun les escapades de fin d'après-midi dans des chambres de deux hôtels où l'on propose, contre rémunération, la compagnie de femmes. Sauf que parmi ses clients, certains entretiennent des relations avec Dominique Strauss-Kahn, qui aurait lui-même profité de ce genre de service lors de voyages et rencontres en France et à l'étranger. Dès que son nom apparaît, par sa notoriété et son histoire, le dossier change de dimension pour les juges d'instruction, mais aussi, évidemment, pour les journalistes. Alors, avec un peu de recul, posons la question. Cet embrasement était-il justifié? De quoi Dominique Strauss-Kahn est-il alors accusé? Pendant l'enquête, enfin, les questions de moralité ont-elles parfois devancé celles du droit? Pour parler de cette affaire et de ses conséquences, nous recevrons en seconde partie d'émission notre consoeur Ondine Millot, chronique judiciaire qui a suivi le procès pour le journal Libération. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier. Programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bonjour à tous, édition spéciale sur LCI, puisque Dominique Strauss-Kahn a été arrêté à New York et placé en garde à vue cette nuit. Le directeur général du FMI qui est accusé d'agression sexuelle. Le directeur général du Fonds monétaire international est accusé en fait d'agression sexuelle sur une femme de ménage après l'avoir traînée dans la salle de bain et avoir tenté de fermer la porte. C'est l'information de la nuit. Dominique Strauss-Kahn a été arrêté hier à l'aéroport JFK de New York alors qu'il allait s'envoler pour la France. À la une de l'actualité, les premières images du patron du FMI depuis son arrestation, Dominique Strauss-Kahn, est sorti menotté, vous le voyez, du commissariat de Harlem où il a passé plus de 24 heures. Notre client a consenti à subir des examens corporels ce soir à la requête des autorités. Comment va-t-il? Il est fatigué, mais il va bien. New York, dimanche 15 mai 2011. Dans le commissariat de Harlem, ils sont des dizaines, caméramens, photographes et journalistes, à attendre qu'on expose à la face du monde le visage de Dominique Strauss-Kahn, l'un des hommes les plus puissants de la planète, qui se retrouve dans une très fâcheuse posture. À 23h, les flashs crépitent enfin. Entouré de deux policiers lui tenant chacun un bras, les poignets menottés dans le dos, Dominique Strauss-Kahn n'est plus le directeur du Fonds monétaire international, le favori des sondages de la prochaine présidentielle en France, mais un accusé, inculpé de tentatives de viol, d'actes sexuels criminels et de séquestration illégale. Un homme dans la tourmente qui doit désormais prouver son innocence. Cette scène a fait le tour du monde. Mais que met-elle en lumière? Que cache l'image, symbole de sa chute? Elle marque d'abord l'arrêt définitif d'une carrière presque sans tache, une ligne droite qu'il avait portée de l'université à l'assemblée des cabinets au sommet avec les chefs d'État. Elle met aussi au jour le secret bien gardé de son autre vie, libertine, festive et parfois violente, qui fait désormais la une. C'est au petit matin de ce 15 mai 2011, en allumant le poste de radio, que beaucoup de Français découvrent la nouvelle. La veille, vers midi, près de Times Square, à l'hôtel Sofitel, Nafissa Toudiallo, femme de chambre de 32 ans, entre dans la 2806 pour effectuer le ménage, pensant que plus personne n'y est. C'est là, selon les termes de sa première déposition, que Dominique Strauss-Kahn serait alors sorti nu de la salle de bain, puis aurait tenté d'obtenir, par la force, une relation sexuelle avec elle. Par chance, elle arrive à s'enfuir et alerte le responsable de la sécurité de l'hôtel, puis la police. Quelques heures plus tard, alors qu'il attend le départ de son vol pour Paris, Dominique Strauss-Kahn est arrêté à l'aéroport Kennedy. Durant la nuit, le New York Times publie une première alerte et le monde entier pose son regard sur les rives de l'Hudson. dès que son interpellation est rendue publique, la vie occultée, celle des clubs échangistes, des parties fines et de l'appétit sexuel de DSK, commence à être révélée. D'abord par de petites phrases comme « Oh, c'est un secret de polichinelle. DSK a une réputation semblable à celle de JFK concernant les femmes. » Ensuite, c'est une vie dévoilée, puis jugée à la une des tabloïds, comme dans le Daily News qui titre « Perv », P-E-R-V, sous une photo de DSK. En France aussi, les langues se délient, et tous ceux qui n'étaient pas dans les confidences des salons politiques et de la presse, qui sont souvent les mêmes, découvrent des anecdotes autour de l'activité sexuelle de l'ancien favori de la prochaine présidentielle. Alors, très vite, on s'interroge. L'affaire du Sofitel de New York était-elle la seule, ou d'autres tempêtes sont-elles à venir? Ce 15 mai 2011, alors qu'à New York, Dominique Strauss-Kahn entame sa seconde nuit derrière les barreaux, à Lille, son nom apparaît pour la première fois au sein d'une information judiciaire ouverte contre X pour association de malfaiteurs et blanchiment relative à l'effet de proxénétisme commis entre 2008 et 2011 dans l'établissement du Carlton. À l'époque, la cible de l'enquête est un certain René Cochefer, chargé des relations publiques du Carlton et de l'Hôtel des Tours, qui proposerait à certains clients masculins des services tarifés avec de jeunes femmes. Au lendemain de l'arrestation de DSK à New York, les enquêteurs interceptent une conversation de René Cochefer avec un certain Dominique Alderweireld, plus connu sous le patronyme de Dodo la Saumure, qui réagit à l'arrestation de DSK en ces termes. T'as vu Strauss-Kahn? C'est pas étonnant. Tu sais, quand je lui avais ramené des filles, tu te souviens qu'il avait voulu baiser Béa dans les toilettes? Sans le savoir, ce 15 mai 2011, alors que tout le monde a les yeux fixés sur New York et s'interroge sur ce qui s'est passé derrière cette porte de la suite du Sofitel, en France, une autre affaire s'apprête à mettre DSK sous les feux des projecteurs et l'amener une nouvelle fois devant la justice. Mais ces affaires sont-elles de même nature? Quels sont les liens entre l'homme du FMI, ce chargé des relations publiques d'un hôtel et ce propriétaire de maison close? Quels ont été les enseignements du procès? Et puis, que reste-t-il aujourd'hui de l'affaire de Carlton? 14 octobre 2011, au journal de 8h de France Inter, l'affaire dite du Carlton devient nationale. France Inter. Quand un grand hôtel de Lille propose des prostituées à ses clients. Et oui, ce n'est pas un hôtel de passe. Après le gérant et le chargé des relations publiques, une appellation tout à fait circonstance, c'est le propriétaire du Carlton de Lille qui a été mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. Hier soir, également, c'est un avocat du barreau de Lille qui a été déféré au parquet. Les noms de plusieurs policiers haut gradés apparaissent également dans cette affaire sur laquelle courent aujourd'hui évidemment toutes les rumeurs à Lille, Sophie Morland. De mémoire de policiers lillois, on a rarement connu une telle atmosphère. Au sein même des locaux de la PJ, on s'interroge sur la présence ou non d'enquêteurs de l'IGPN, la police des polices. Beaucoup, en tout cas, de ces fonctionnaires connaissent René Cochefer, chargé des relations publiques au Carlton, mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée, des poursuites exagérées selon son avocat, Christophe Nickert. Nous avons affaire à un homme qui est public relation et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ça veut dire que concrètement, eh bien, de temps en temps, il faut emmener telle personne ou telle autre personne pour récupérer un contrat. S'il faut parler de manière triviale, le problème se résumait avant tout à des virées en Belgique, avec de grands gamins qui essayaient de passer un bon après-midi. Dans cette affaire, face au silence du parquet, les rumeurs les plus folles et les noms circulent, notamment celui d'un homme politique parisien. Sophie Morland, France Bleu Nord pour France Inter. René Cochefer, l'homme par qui le scandale arrive, est un habitué des belles tables du Vieux-Lille. Il côtoie, sert, rencontre, rend service aux personnes connues et reconnues du milieu des affaires, de la police ou de la politique. Il organise notamment des rencontres avec des filles grâce à un ami belge, multipropriétaire de maisons closes de l'autre côté de la frontière, le fameux Dodo la Saumure. Au début du mois d'octobre 2011, ces notables découvrent l'un après l'autre les cellules sommaires des gardes à vue. Après la mise en examen de deux gérants de l'hôtel Carlton, on annonce celle d'un avocat pénaliste, d'un commissaire divisionnaire, numéro 2 de la police de la ville, et de deux gérants d'entreprise, David Roquet, patron d'une filiale du groupe de travaux publics EFAG, et Fabrice Paskowski, directeur d'une société de matériel médical. Mais ce n'est pas tout. On annonce aussi l'implication prochaine d'une personnalité à la notoriété bien plus grande encore, qui aurait également profité des filles de Dodo la Saumure par l'entremise de René Cochefer. et le 16 octobre, le journal du dimanche est le premier à dévoiler le nom de cette personne, Dominique Strauss-Kahn. Hasard du calendrier, c'est le jour du second tour de la primaire socialiste dont François Hollande sort victorieux que le nom de DSK s'ébruite. Quelques semaines après l'abandon des poursuites pénales à son encontre au sujet de l'affaire de New York et la décision du parquet de classer sans suite la plainte déposée par Tristan Bannon à son encontre pour une tentative de viol datant de 2003, Dominique Strauss-Kahn est une nouvelle fois sous les feux des projecteurs judiciaires. La réponse de l'intéressé se limite d'abord à un communiqué dans lequel il demande à être entendu le plus rapidement possible pour, je le cite, « mettre un terme aux insinuations et extrapolations hasardeuses et encore une fois malveillantes ». Bien. Mais en attendant que la justice réponde positivement à sa demande, c'est la presse qui ouvre le second volet de l'affaire du Carlton, non plus liée au service de prostituées dans les hôtels dont s'occupe René Cochefer, mais à DSK et à ses liaisons dangereuses. Grâce à la publication d'extraits des PV, on découvre l'agenda double fond de l'économiste et homme politique français qui se partage entre les rencontres officielles lors de conférences et déjeuners de travail et les rendez-vous officieux où se mêlent ses amis lillois et leurs copines. Ces rencontres se sont déroulées à Paris, dans des hôtels, au sous-sol d'un restaurant, dans l'un de ses appartements privés, mais aussi aux États-Unis. La dernière virée de l'équipe lilloise à Washington s'est terminée le 13 mai 2011, soit un jour avant l'arrestation du directeur du FMI. Parmi les voyageurs, on retrouve le gérant d'entreprise David Roquet, le commissaire Jean-Christophe Lagarde, l'ami Fabrice Pasowski et les filles choisies pour l'hôte du FMI. Mais comment ces gens se sont-ils rencontrés? Quelle est donc l'histoire de cette bande? D'abord, le lien entre DSK et ses notables, c'est Fabrice Pasowski. Entrepreneur, militant socialiste, il est l'un des fidèles du clan du maire socialiste de Béthune et c'est durant un événement de la campagne municipale de 2002 qu'il rencontre pour la première fois l'ex-ministre socialiste. En 2004, il participe à la fondation de l'association À Gauche en Europe, principal soutien de DSK dans le Pas-de-Calais. À chaque événement dans la région Nord, il va le chercher à la gare, puis le raccompagne. Et alors, peu à peu, une amitié naît. Dès lors, Fabrice Pasowski fait tout pour que jamais elle ne se rompe. Comme le raconte son avocat Karl Van Damme pour un reportage de l'émission Complément d'enquête, diffusé en décembre 2011 sur France 2. Il s'est mis à fréquenter Dominique Strauss-Kahn, mais d'autres personnes, des gens du monde politique, des gens du monde de la justice, du monde policier, de hauts fonctionnaires. Et c'est à cette occasion-là, effectivement, peut-être lui pour pouvoir exister dans ce monde-là aussi, dans ce monde de la haute société, lui venant du Pas-de-Calais et étant un petit acteur local, il a commencé à se retrouver dans ce genre de soirée. Le libertinage n'est-il pratiqué que par des initiés, hommes et femmes, qui font le choix libre et en conscience d'accepter ses us et coutumes, voire ses règles ? Des prostituées peuvent-elles, contre rémunération bien sûr, participer à ces soirées? De plus, comment définit-on le délit de proxénétisme? En France, c'est l'article 225.5 qui le détermine comme le fait de quelque manière que ce soit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, d'en tirer profit ou encore d'embaucher ou de détourner de personnes en vue de la prostitution. Donc, qui a payé les services et les voyages de ces femmes en France et à l'étranger? Alors que l'instruction mène de front les deux côtés de l'affaire, celle qui se situe spécifiquement à Lille, puis son extrapolation autour de DSK, la presse, elle, poursuit les divulgations de témoignages et des écoutes de la procédure. Article après article, l'instruction se retrouve à la découpe dans les journaux. Et le lecteur découvre l'autre vie de DSK, les lieux de ses plaisirs parisiens, l'Atlantique près de l'Arc de Triomphe ou le Murano à côté de la République, mais aussi les mots accolés à ce loisir et à ses filles quand il discute par SMS avec son ami Pasowski. Il parle de copines, demoiselles, bagages ou matériel. Des divulgations que pointe du doigt et réprouve avec la plus grande force les avocats de l'ex-directeur du FMI qui en font l'un des axes de leur défense. L'un après l'autre, ils montent au front médiatique pour récuser l'emballement autour de cette affaire, comme dans cette interview de Maître Henri Leclerc par Jean-Pierre Elkabbach sur l'antenne d'Europe 1. C'était en décembre 2011. Dominique Strauss-Kahn n'a qu'une chose à dire, c'est la vérité. Il demande depuis le mois d'octobre de dire la vérité, mais il ne peut pas la dire actuellement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est actuellement l'objet d'une véritable campagne de presse. Enfin, attendez, arrêtons. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Les journaux sortent une couverture des SK, ça fait vendre. Alors, est-ce qu'ils pouvaient ignorer que certaines invitées de ces soirées étaient des professionnels entre nous? Eh bien non, eh bien je vous le dis, ils pouvaient parfaitement l'ignorer. Parce que figurez-vous que dans ces soirées, on n'est pas forcément habillé. Et que je vous défie de distinguer une prostituée nue d'une femme du monde nu. Bon, mais qui payait? Sur le plan financier, les magistrats ont établi que les bons plaisirs de DSK étaient financés notamment par les notes de frais de David Roquet auprès de sa société FH. Alors, DSK est-il un client conscient de ses dépenses ou est-il une personne courtisée par ces hommes de Lille parce que puissant, parce que plein d'avenir? Pour les avocats des autres accusés, dont celui de David Roquet, maître Éric Dupont-Moretti, l'affaire du Carlton est une non-affaire, comme il l'affirme au micro de Pascal Clark, sur France Inter. Cette affaire est devenue l'affaire du siècle, n'est-ce pas? Alors que c'est une affaire tout à fait ordinaire, tristement banale. Dans tous les hôtels, je pense que les gens, quand ils se présentent avec une prostituée, n'entendent pas le réceptionniste leur dire « Mais dites donc, elle est singulièrement habillée, votre épouse. » Donc voilà, ça passe à la trappe. En réalité, c'est pas l'affaire Carlton, c'est l'affaire DSK. C'est quoi l'affaire DSK? Ben, au Carlton. C'est une création journalistique. Qui viole totalement et complètement et de façon assez inquiétante la vie privée de cet homme. Mais oui, à partir du moment où les initiales sont apparues dans le dossier, c'est devenu l'affaire du siècle. On est dans une espèce d'américanisation de nos esprits et de notre morale. Voilà, c'est une non-affaire. Le 21 février 2012, 4 mois après que le nom de DSK filtrait dans la presse, Dominique Strauss-Kahn est enfin convoqué par la justice. Dans la porte de la caserne de gendarmerie, photographes, cars régie et caméras l'attendent de pied ferme. Mais à l'inverse de la garde à vue new-yorkaise, il n'y aura aucune image de Dominique Strauss-Kahn, à part celle de l'entrée de sa berline aux vitres teintées. Autre pays, autre mœurs. Un mois plus tard, le lundi 26 mars, Dominique Strauss-Kahn est mis en examen, non pas pour complicité, mais pour proxénétisme aggravé en bande organisée. C'est la première fois qu'un ancien ministre est poursuivi sous la Ve République pour de tels faits. Placé sous contrôle judiciaire, il paye une caution de 100 000 euros, le prix de sa liberté, avec l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les 8 personnes mises en examen dans ce dossier. Dès l'annonce, ses avocats, dont Richard Malka, réagissent. Monsieur Dominique Strauss-Kahn déclare avec la plus grande fermeté n'être coupable d'aucun de ces faits et en particulier n'avoir jamais eu la moindre conscience que certaines femmes rencontrées pouvaient être des prostituées. Par ailleurs, à supposer même qu'il aurait connu le statut des femmes dont il est question, il faut rappeler que le fait d'avoir une relation avec une escorte ne constituerait pas une infraction au regard de la loi française. Monsieur Strauss-Kahn se trouve ainsi, en grande partie à raison de sa notoriété, jeté au bûcher, et ce, par un étrange hasard du calendrier, à moins d'un mois d'une échéance électorale majeure. Peu après cette mise en examen, une enquête préliminaire pour viol en réunion contre DSK est également ouverte à la suite du témoignage d'une prostituée au sujet d'une sodomie forcée à Washington en décembre 2010. Le parquet classe l'enquête sans suite, après les nuances apportées par cette femme et son refus de porter plainte. Aurait-elle apporté une pièce majeure dans l'instruction? Allez savoir. Le 26 juillet 2013, quelques mois après la fin de l'affaire du Sofitel de New York, marquée par la signature d'un accord amiable entre Dominique Strauss-Kahn et l'ancienne femme de chambre Nafissatou Diallo, à Lille, les juges d'instruction renvoient des SK en correctionnel avec 12 autres personnes pour proxénétisme aggravé en réunion. L'affaire du Carlton aura donc son procès et DSK sera sur le banc des accusés. Est-il coupable des faits reprochés? Que se passait-il au Carlton et à l'hôtel des Tours, à Lille? Le procès sera-t-il à l'image de l'instruction? Down. 2 février 2015, tribunal correctionnel de Lille. Après 2 ans et demi de procédure, compilée et organisée dans un dossier épais de 35 tomes et une ordonnance de 210 pages, s'ouvre le procès de l'affaire Carlton, devenue dès le mois d'octobre 2011 l'affaire DSK. Dominique Strauss-Kahn est d'ailleurs le premier dans la salle d'audience à faire les 100 pas. Puis il s'installe auprès des 12 autres accusés, dont 2 femmes. À ses côtés, on trouve des anciens directeurs de société, un avocat, un commissaire de police et bien sûr, cet ancien ministre, ex-patron du FMI. Rappelons-le, c'est avec lui que le dossier s'est embrasé et c'est autour de lui que l'instruction a été divulguée dans la presse. Dès les premières minutes du procès, le président du tribunal souhaite que la décence soit de rigueur. La justice n'est pas la gardienne de la morale, mais celle du droit et de son application. Jour après jour, le magistrat tiendra parole pour mettre à distance les 2 sphères du dossier. Celle concernant le réseau de proxénétisme dans les établissements des Carlton et de l'hôtel des Tours, avec ses 2 principaux accusés, René Kopfschwer, chargé des relations publiques des 2 établissements, et Dominique Alderweireld, dit Dodo la Saumure, propriétaire de plusieurs maisons closes en Belgique qui fournissait les filles à René Kopfschwer. Et puis l'autre sphère, celle qui gravite autour de DSK et de la nature de ses relations avec des femmes prostituées offertes à lui par ses amis de Lille. Dès la première audience, le président du tribunal interroge Dominique Strauss-Kahn sur ces 2 hommes. Les connaissez-vous ? Je les ai vus pour la première fois aujourd'hui, répond DSK. Est-il déjà allé au Carlton de Lille, à l'hôtel des Tours ou dans des établissements de Dodo la Saumure ? Jamais, répond l'ex-patron du FMI. Ce qui lie DSK à ces hommes, ce sont ses amis lillois et les filles qui les accompagnaient. Partie civile, elles sont 4 femmes qui sont le fil rouge entre ces hommes, 4 prostituées pendant les faits qui ont au Carlton ou ailleurs, contre rémunération, été les jouets de ces hommes et de leurs fantasmes. Avant ce procès, les filles de Dodo la Saumure étaient invisibles, réduites à des initiales sur des PV. Elles étaient celles qu'on ne montrait pas, dont on n'entendait pas les mots. Toujours dans l'ombre, comme lors de cette visite dirigée par Dominique Alderweireld et sa femme, Béatrice, elle-même prostituée, dans l'un de ses établissements en Belgique. Visite organisée pour le journal Libération. Donc le client est rentré par ici, la porte est toujours ouverte. Le client le reçoit ici, il s'assoit. Il choisit la fille avec laquelle il souhaite avoir un moment. Du temps de notre splendeur avant l'affaire, il y avait 10 de filles. Actuellement, il y en a 5 ou 6. Donc le client monte, fait son affaire. Bon, il dispose d'une salle de bain. C'est des draps jetables pour l'hygiène. On va monter. Je possède 7 ou 8 établissements et j'en exploite directement 5. Disons que mon rôle est administratif et tout ce qui est problème lié à l'exploitation d'un établissement quelconque, comme un café, tout ce qui est intendance, disons. Deux ans plus tard, au 4e jour du procès, Dodo la Saumure, que vous venez d'entendre, raconte avec le langage du milieu, le quotidien de ses maisons, les demandes des clients, le cheptel. Oui, il dit ça. Ces filles qu'il classe selon les catégories et les désirs des clients, comme ce marchand de chaussures, dont on lit durant l'audience les interceptions téléphoniques auprès de René Kopfschwer. Il lui demande « Tu veux quoi ?» L'autre répond « Une jeune ? Oui, une jeune blanche. Une jolie roumaine ou une ukrainienne ?» René lui répond par un simple « Il y en a, je te mets ça de côté ». Mais devant le tribunal, ses anciens clients changent de vocabulaire et usent de métaphores neutres de celles que les clients aiment se répéter entre eux pour cacher le fait de payer une femme pour utiliser son corps et son silence. Elles ont d'autres mots, d'autres souvenirs de ses passes. Quand elles prennent la parole durant le procès, on va de l'autre côté du miroir. À la barre, elles racontent avec hésitation et crainte les premiers pas dans la prostitution, la fragilité de leur enfance, les événements douloureux qui ont parsemé leur vie, puis les conséquences de ce métier sur le corps, sur le physique, sur la vie sociale. Comme le souligne Jade, qui répond un jour au président par ces mots, « Un corps de femme n'est pas fait pour être pénétré 5 à 10 fois par jour. » Durant la seconde semaine, DSK redevient l'acteur numéro 1. L'une des questions importantes est la suivante. Savait-il qu'il s'agissait de prostituées ? Il a toujours déclaré que non, comme le confirment également d'autres accusés, dont son ami David Roquet au micro de Sarah Guibaudot de France Inter. L'histoire est arrivée comme ça, je rencontre dans les restos d'affaires Fabrice, on se croisait souvent, on sympathise, et un jour il me dit « t'es pas sans savoir que je connais Dominique Strauss-Kahn, de temps en temps on fait quelques soirées avec lui, et je te cache pas, ça me coûte un peu d'argent, donc toi tu es chez FH, tu as des budgets de frais, pour un groupe comme FH, ce ne serait pas inintéressant de rencontrer Dominique Strauss-Kahn. » Il dit « voilà, on fait des soirées, pour ces soirées il serait sympa que tu sois accompagné. » J'aurais pu aller voir sur internet, comme tout un chacun qui cherche une escorte. Je ne l'ai pas fait, j'appelle René Cochefer qui met en relation avec Béatrice. L'histoire commence comme ça. C'était des filles cultivées, élégantes. Il y avait parfois 5-6 couples. Lui, c'était ses récréations. Il passait, voilà, on passait de belles soirées. J'étais accompagné d'une jolie fille. Vous n'avez jamais dit à Dominique Strauss-Kahn que la jeune femme en question était payée? Bien sûr que non. Vous allez à un dîner chez des amis, il y a 3 couples que vous connaissez, 2 autres que vous ne connaissez pas. Vous ne demandez pas aux gens qui sont là s'ils sont accompagnés d'une escorte ou pas. Derrière ces soirées libertines et festives, quand même à le décrire ces hommes, il y a plusieurs scènes de violence qui ont été évoquées lors des interrogatoires. L'une d'entre elles s'est déroulée en Belgique, dans une boîte échangiste. Jade était là, payée par les amis de DSK, pour lui. Après une première partie soirée dans un club libertin qu'elle décrit comme une boucherie, elle raccompagne DSK à l'hôtel. Durant ce trajet en voiture, elle lui raconte son travail dans ce club où elle effectue des striptease et des relations sexuelles avec des clients qu'elle choisit. Arrivée à l'hôtel, elle le suit dans sa chambre pour effectuer ce pourquoi elle a reçu une rémunération par les amis de DSK. Mais la relation se passe mal. Lors de cette nuit, Jade subit une pénétration à laquelle elle aurait dit non si elle avait eu le choix. Payer une prostituée donne-t-il le droit de jouir du corps d'autrui sans contrainte? Certains le pensent. À la barre, Dominique Strauss-Kahn ne change pas de ligne de défense. Il le répète, l'affirme et le précise. Il ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'une prostituée. Au sujet des scènes de violence, il fait du lourd secret de ses soirées libertines sa principale arme de défense. En effet, durant ses jours d'audience, Dominique Strauss-Kahn parle de sa sexualité sans crainte, sans limite. Au sujet des propos de Jade, il répond « Je ne mets pas en cause la perception qu'elle a eue de notre rapport sexuel, mais je ne l'ai pas ressentie de la même manière. Je pense que je dois avoir une sexualité, par rapport à la moyenne des hommes, plus rude et scandalable. » Le 12 février, Dominique Strauss-Kahn peut enfin quitter la scène du procès et laisser se poursuivre les auditions autour du proxénétisme à l'intérieur du Carlton, ainsi que les interrogatoires de ses amis qui, pour le courtiser, ont organisé les soirées et fait venir à lui les demoiselles qu'il pouvait utiliser sans débourser un sou. L'ex-directeur du FMI ne réapparaît à Lille que le dernier jour du procès pour écouter les plaidoiries, le réquisitoire et la défense de ses avocats. Il assiste donc à celle d'Emmanuel Daoud, qui représente l'association Le Nid, qui se consacre à la lutte contre la prostitution. Durant de longues minutes, l'avocat met en lumière le sort de ses clientes qui n'ont rien demandé, mais qui constituaient le terrain de jeu commun de ces hommes et de leurs appétits sexuels. Il brosse leurs portraits en les affublant de titres hauts en couleur. Dodo la Saumure devient un marchand de viande, René Cochefer le triste sire, et DSK le sardanapale et des temps modernes avec sa cour de serviteurs dévoués, du nom de ce roi légendaire de Ninive en Assyrie qui, voyant le pouvoir s'échapper, se jeta avec sa favorite dans un bûcher. En sortant du tribunal, l'avocat Emmanuel Daoud déclare à la presse. Je crois qu'il y aura un avant et un après ce procès, dans la mesure où on entendait trop souvent que la prostitution était un mal nécessaire. On renvoyait trop souvent la sexualité masculine à une sexualité animale, puisque les hommes, soi-disant, auraient des besoins irrépressibles, et que finalement, s'il y a des prostituées, c'est une bonne chose pour assurer une forme de paix sociale. Après quasiment 2 semaines de procès, on sait ce que c'est que la prostitution. Il n'y a pas de prostituées qui choisissent librement cela comme un choix de carrière professionnelle. La prostitution, c'est glauque. Ce sont des femmes qui sont en détresse, ce sont des femmes qui sont malheureuses. Il faut aussi renvoyer, au travers des relations que vous faites de ce procès, toute notre société face à ses responsabilités. Et je pense qu'à présent, on aura les uns les autres plus de difficultés à se mettre une main devant les yeux sans regarder la réalité sordide, glauque de cette activité-là. À l'abri des caméras télé du monde entier, ce procès a permis en effet de mettre en lumière l'histoire de ces femmes et l'envers du décor de la prostitution. Elles étaient les visages et les corps qui se cachaient derrière les moments festifs, ludiques et de plaisir de cette bande d'amis. Aucune n'a porté plainte. Mais elles ont accepté de parler à la barre de leur vie et de recevoir parfois les coups et les attaques de la défense de leurs anciens clients. Après ce procès, sont-elles redevenues des invisibles? Ont-elles quitté la prostitution? Le jour du réquisitoire, elles n'étaient déjà plus que des prénoms. La justice n'était pas là pour parler d'elles ou du métier d'escorte, mais pour évoquer leurs clients, dont des SK qui jouissaient de la notoriété la plus forte. C'est avec lui que le dossier a changé de dimension et c'est autour de lui que les juges d'instruction construisent leur ordonnance. Ont-ils fait des erreurs? Sans doute, selon le procureur, qui rejette l'un après l'autre les éléments de leur travail. Dès les premiers jours du procès, la relaxe pour DSK semblait d'ailleurs inexorable, tant l'architecture de l'instruction était fragile autour de l'ancien directeur du FMI. Était-il l'organisateur de ces rencontres? A-t-il tiré un bénéfice financier de la prostitution? A-t-il payé? À ces différentes questions, sans trembler, le procureur répond non et demande donc la relaxe pour Dominique Strauss-Kahn. Le lendemain, les avocats de l'accusé le plus célèbre donnent le coup final au travail de l'instruction, comme l'explique Sarah Guibaudeau de France Inter. Richard Malka n'a pas de mots assez durs pour qualifier cette enquête. Un mirage juridique, un vertige de danger démocratique. Frédéric Beaulieu, la première, a déconstruit la logique folle qui voulait faire de Dominique Strauss-Kahn un proxénète et pour laquelle les juges ont déployé une débauche de moyens, des investigations invraisemblables. Maître Henri Leclerc, du haut de ses 60 ans de barreau, vient conclure « Rien ne reste de ce dossier, il est à terre » et pour la première fois depuis le début du procès, il accorde à la sortie quelques mots à la presse. Le dossier s'est écroulé tout seul. Nos explications n'ont fait que rappeler cet écroulement. Nous attendons maintenant la décision du tribunal et nous sommes confiants. Le 13 juin 2015, le jour où le jugement est rendu, relaxé est le mot-clé. Oui, relaxé Dodo La Saumure, relaxé le commissaire, l'avocat, les gérants des hôtels, relaxé les deux amis Roquet et Laskowski, relaxé enfin l'ex-directeur du FMI. Seul René Cochefer écope d'une peine d'un an, avec sursis pour proxénétisme. Durant cette affaire, l'instruction, comme la presse, s'est parfois aventurée dans des débats où les questions de morale ont devancé les questions du droit. Mais pouvons-nous dire que l'affaire du Carlton n'a pas eu lieu? Et encore une fois, que restera-t-il de ce procès? Coïncidence saisissante, presque un an après le rendu du jugement, le 14 avril 2016, la nouvelle loi sur la prostitution qui pénalise désormais les clients est entrée en vigueur. Il y a quelques mois, le 16 juin, Dominique Strauss-Kahn et sept autres personnes, quasi toutes relaxées lors du procès dit du Carlton, ont été condamnées au civil par la cour d'appel de Douai à verser solidairement 20 000 euros de dommages et intérêts à une association de lutte contre la prostitution, le Mouvement du Nid. Si le droit s'est exprimé dans cette affaire, la morale aussi a trouvé son chemin, finalement, en tout cas sur ce point. La condamnation de ceux qui exploitent la prostitution en tant que clients, participant ainsi à une forme d'esclavage contemporain. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du Carlton, notre invité, Ondine Millau, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre consoeur, vous êtes journaliste, chroniqueuse judiciaire, et vous avez couvert cette affaire pour le journal Libération. Tout à fait. C'est bien cela. Alors, j'ai envie de vous demander, quand débute finalement l'affaire du Carlton à Lille? Alors nous, on l'a dit dans le récit, bon, en 2011, mais peut-être débute-t-elle avant, puisqu'il y a eu la mise en place d'écoutes administratives, je crois, dès juillet 2010, oui. Par le commissaire Joël Speck. Donc elle commence avant finalement. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est venu d'une information qui parvient à la police sur ce fameux René Cauchefer dont vous avez beaucoup parlé dans votre récit. Les policiers sont renseignés sur le fait qu'il garnirait des chambres comme ça, fournirait une prestation supplémentaire, hein, c'est le vocabulaire de Monsieur Cauchefer, en permettant aux clients de réserver une chambre et une prestation sexuelle tarifée. Et donc on le met sur écoute. Voilà. Et c'est en le mettant sur écoute que Dominique Aldervarel, alias Dodo La Saumure, apparaît. Et bien plus tard, Dominique Strauss-Kahn. Et pourquoi Cauchefer est-il le seul condamné, finalement, même si la peine est un an et sourcil, pas très lourde, mais enfin, il est quand même condamné. Il ressort pas innocent. Ça. Oui, oui, tout à fait. Ça correspond pas aux réquisitions, hein, puisque la peine demandée par le parquet, par exemple, la plus lourde, c'était pour Dominique Aldervarel, de La Saumure. Voilà. Pourquoi les juges ont choisi ça? Ils l'ont expliqué de manière assez technique. Dodo La Saumure, ils considèrent que ça se passe en Belgique et que ça les concerne pas, en gros, ou alors il y a des questions de prescription, etc. Cauchefer, il sert d'intermédiaire à la prostitution, très clairement. Il le dit, c'est prouvé mille fois sur les écoutes. Il a l'habitude aussi de... Comment dire ça? Je vais employer son terme. Essayer gratuitement les prostituées à chaque fois qu'il en fait rentrer une nouvelle dans son réseau. Donc ça aussi, je pense, ça témoigne pas tellement en sa faveur du point de vue des juges. Mais c'est vrai qu'on lui a très mal vécu évidemment d'être le seul condamné. Il a dit je suis le dindon de la farce, il en fallait un. Bon. Voilà. Et ça a été moi. Et quels étaient ses liens avec Dodo La Saumure et d'autres accusés, puisque on a parlé d'une dimension maçonnique, non pas sur le fond évidemment, mais sur le côté réseau, hein, simplement. Bah, tout c'était à fait, ils sont tous francs-maçons. Je pense que ça a joué un rôle. De toute façon, c'est déjà la façon dont certains se rencontrent. Le chef de la sûreté départementale, le policier Jean-Christophe Lagarde, c'est comme ça qu'il rencontre Fabrice Paskowski, David Roquet. C'est par ils sont frères de loge et Cauchefer aussi. Hein, c'est le frère de loge de tous ces gens-là. Donc c'est un des liens de leur connivence. Après, ils nous ont pas parlé du tout au procès, hein, mais oui, parce que d'ailleurs sur le fond, ça n'a rien assumé, à voir. Mais c'est assumé sur le fait que c'est comme ça qu'ils se rencontrent, hein, la plupart d'entre eux. Alors l'importance du contexte dans un procès comme celui-là, évidemment, et on a beaucoup insisté là-dessus parce que c'était important. Ce procès était retentissant, l'affaire était retentissante parce que parmi les prévenus, il y avait Dominique Strauss-Kahn, évidemment. Mais il est important aussi parce que c'est un réseau de prostitution, de proxénétisme, puisqu'on emploie des femmes et qu'on les paye. Et puis, il y a ce contexte au-delà de Dominique Strauss-Kahn, il y a la primaire socialiste qui se joue en même temps. Et puis, il y a le retour de l'affaire Tristan Bannon. Alors ça, on va en parler, on va écouter ensemble une archive et on va parler de cette affaire. Alors, en 2007, donc bien avant l'affaire de Carlton, lors de l'émission 93 Faubourg Saint-Honoré de Thierry Ardisson, Tristan Bannon, romancière et journaliste française, parle d'une tentative de viol avec un homme politique français. À l'époque, elle tait son nom, évidemment. On l'écoute. Moi, c'est avec qui ça s'est très mal passé. Voilà, c'est ça. C'est avec... Il adore, le chimpanzé en rute. Il est obsédé par les... Non, mais c'est vrai, on le sait. C'est vrai. Il est obsédé par les gonzesses. Enfin, moi, ce qui s'est passé, c'est que pour mon premier livre, Erreurs avouées, le principe, c'était de leur demander la plus grosse erreur de leur vie. Donc forcément, je lui ai demandé. Il m'a répondu de la langue de bois. Et je lui ai dit, bon, je suis pas sûre de m'en servir. Il m'a dit, écoutez, je pars. Je vous rappelle en rentrant si je pense que j'ai autre chose à dire. Il m'a rappelé en rentrant. Il a proposé qu'on se voit. Il m'a donné une adresse. C'est un appartement vide, ah là là. Complètement vide, avec un magnétoscope, une télévision, un lit au fond. Et puis là, ben, il a gentiment fermé la porte. Il a voulu que je lui tienne la main pour répondre, parce qu'il m'a dit « je n'y arriverai pas si vous ne me tenez pas la main ». Et puis après, de la main, c'est passé au bras. Ça s'est fini très, très violemment, puisque je lui ai dit clairement « ah non, mais on s'est battu au sol, pas qu'une paire de baffes ». On a donné, enfin moi, j'ai donné des coups de pied. Et je lui avais parlé, quand on se battait, je lui avais parlé du... Je lui avais dit le mot « viol » pour lui faire peur, ça ne lui a pas fait peur plus que ça. C'est comme quoi, apparemment, il était accoutumé. Alors, évidemment, dans ce genre d'émission qui se revendique quelquefois émission d'information, on est toujours dans le spectaculaire. Hein, on fait du spectacle. N'empêche qu'on s'est demandé, on s'est dit, mais les gens se sont demandé, mais de qui elle parle? Bien sûr. Et puis après, le Sofitel, la parole se libère. Alors, est-ce que l'affaire du Carlton est un élément aussi de cette parole qui enfin peut se libérer contre un homme politique et puis pas n'importe lequel? Est-ce que ça fait partie de ça aussi, le Carlton? Bah, je pense qu'effectivement, quand il y a une affaire, Tristan Manon, si je me souviens bien, elle a reparlé un petit peu de cet épisode-là en 2008, au moment où il a un problème avec une collaboratrice qui s'appelle Piroshkan Aginagi. Elle en reparle aussi à ce moment-là. Donc évidemment, je pense que pour une personne qui, comme elle, peut se sentir, je sais pas, pas forcément à l'aise pour entamer des poursuites envers quelqu'un qui est un ami de sa mère en plus, etc. Peut-être que ça lui donne une impulsion, un courage, je ne sais pas exactement. Moi, je l'ai rencontrée. C'est vrai qu'on sentait qu'elle regrettait d'avoir mis du temps avant de se décider à entamer une procédure. Quand elle l'a fait, elle ne pouvait pas le poursuivre pour agression sexuelle puisque c'était déjà prescrit. Oui. Donc, elle a pris tentative de viol puisque là, la prescription est de 10 ans. Et le parquet a classé, mais d'une manière intéressante, puisque dans le document de classement sans suite qu'on a eu, nous les journalistes, au bout d'un moment, le parquet mentionne une agression sexuelle, mais dit c'est prescrit. Voilà. Alors, on doit tirer les leçons des affaires passées, surtout quand elles sont récentes. Quand j'ai dit la parole se libère, c'est qu'il y avait une chape de silence. Mmh. Hein, mmh. Et nous sommes journalistes et nous avons à assumer ça, peut-être pas personnellement, mais au nom de la profession. Ça se savait, ça ne s'est pas dit, au prétexte, et ça nous renvoie d'ailleurs à l'affaire de François Mitterrand et sa fille, au prétexte, il y avait encore une culture en France qui disait non, non, la vie privée, non. Bah, sauf que quand la vie privée part des débordements sur la vie publique, là, ça devient autre chose, cette chape du silence entretenue par ceux qui savaient, par les initiés, quelques journalistes et d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que journaliste, et quelles leçons on doit tirer de tout cela? Alors, je pense qu'effectivement, peut-être que ça pourra faire progresser les choses sur ces problèmes de « on le sait, on se le dit entre nous, mais personne ne va faire quelque chose de carré, une procédure judiciaire, et qui permettrait d'éviter que ça arrive à d'autres femmes ensuite ». Après, moi, j'étais un petit peu naïve dans tout ça, parce que j'étais pas au courant, pour le coup, du comportement de Dominique Strauss-Kahn. Moi, je suis pas journaliste politique, mais c'est vrai que je pense quand même que ça, ouais, certainement, si d'autres affaires de ce type-là, bon, il y a eu Monsieur Bobin là plus tard, voilà. Peut-être que ça a été un peu plus rapide, je ne sais pas. L'affaire du Carlton aurait-elle eu lieu sans l'affaire du Sofitel, selon vous? Théoriquement, on peut penser que oui, parce qu'ils étaient lancés et avant, ils avaient leurs écoutes. Sur les écoutes, il y avait des choses. Est-ce qu'ils auraient classé sans suite tout le volet Carlton, proxénétisme, hôtelier, et des avocats qui le disent, évidemment, pour la défense de leurs clients? Mais c'est pas évident quand même, parce que bon, il y avait quand même un trafic, des réservations de chambres, voilà, ça c'est assez net. Après, est-ce qu'on aurait parlé de Dominique Strauss-Kahn de cette façon-là aussi? Je ne sais pas. Alors, on l'a vu pendant le récit, une certaine dichotomie entre la base de travail de l'instruction et celle du tribunal, notamment sur la définition du proxénétisme. Et expliquez-nous ce conflit-là entre l'instruction et le procès. Moi, je suis pas chroniqueur judiciaire, c'est peut-être pas rare, mais c'est pas tous les jours non plus qu'un procès passe son temps à démonter l'instruction. Non, ça arrive, mais là c'était très fort, quoi. Hein, et ouais. C'était très très fort. Bon, faut se souvenir que le parquet, depuis le début, hein, le ministère public était opposé au renvoi de Dominique Strauss-Kahn. Il l'a dit deux fois, donc le parquet est toujours resté un petit peu sur la même ligne. Mm-hmm. En revanche, effectivement, les juges d'instruction étaient sur toute autre chose que ce qui s'est passé à l'audience. Ils ont retenu une définition très large du proxénétisme, tout sur l'aide, l'assistance, tous ceux qui aident, assistent ou protègent la prostitution d'autrui. C'est vrai qu'en France, on est rarement poursuivi et condamné pour ce type-là de proxénétisme. En général, la justice garde seulement la notion de profit, quelqu'un qui tire profit financier de la prostitution. Bon, donc les juges ont eu une définition extrêmement large. On s'est tous demandé pourquoi. Mais pourquoi ce proxénétisme qui tient pas ? Enfin, on sentait déjà avant le procès, quand même, ça tient pas. DSK proxénète, non. On peut lui reprocher d'autres choses. Proxénète, pourquoi ? Et on est plusieurs à avoir une hypothèse. Est-ce que c'est ça ou pas ? Il y a, vous l'avez bien évoqué, plusieurs scènes de violence, enfin de rapports extrêmement brutaux où on se pose vraiment quand même la question du consentement. Il y a eu une enquête préliminaire qui a été ouverte puis classée parce que la jeune femme a vraiment fait machine arrière. Vous en avez parlé, hein, mais oui. A disparu pendant 6 mois et puis après elle a complètement nuancé son propos. Mais il y a 3 scènes de violence assez choquantes où se pose la question du consentement, où les filles disent je pleurais, je lui disais que j'avais très mal, je lui montrais que je voulais pas. Est-ce que les juges n'ont pas été impressionnés quand même par ça, c'est-à-dire de se dire mais on peut pas laisser ces faits là sans poursuite et n'arrivons pas à le poursuivre pour viol puisque ça n'y n'avait pas les plaintes à l'appui, le parquet voulait bon à classer. Et bah, du coup, ils ont bricolé un truc de proxénétisme qui tenait pas très bien la route. Alors, le système de défense de Dominique Strauss-Kahn, l'axe de son système de défense, et on comprend d'ailleurs, c'est de dire, mais en aucun cas, je ne savais que c'était les prostituées. Mmh. Ça, c'est le premier. Et puis, l'autre système de défense, il le dit, il avoue une sexualité rude. Mmh. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que chaque homme, chaque femme dans ce pays, dans un pays de liberté, a le droit d'avoir la sexualité qu'il a envie d'avoir, la fréquence qu'il a envie d'avoir. Bon, ça regarde personne. Tout à fait. Bien. Mais enfin, que lui le dise comme ça, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Bah, j'en ai pensé que c'était une défense intelligente et réfléchie. Ça ne correspondait pas à ce que les femmes dans leur récit lui reprochaient. Il ne disait pas Dominique Strauss-Kahn a été rude. Il disait je ne voulais pas. Donc voilà. Mais lui, il avait ça pour s'appuyer. Et c'est bon, c'est une défense comme une autre. Il voulait faire croire qu'on était dans une position de moralisateur, que les juges d'instruction étaient des moralisateurs, que au nom de la morale et pas du droit, on l'amenait au tribunal. Voilà ce qu'il voulait dire. Alors, la toute dernière chose, et elle est importante, on a conclu le récit avec ça, c'est que ce procès a permis aussi de parler, et il faudrait que d'autres procès permettent d'en parler, de la condition des prostituées, de la prostitution est une forme d'esclavage contemporain. Donc, l'une des particularités du procès était de créer les conditions d'un face-à-face inédit, la même passe, finalement, racontée d'un côté par le client et de l'autre par la prostituée. Et forcément, c'est différent. Avant de parler de ces femmes à la barre, on va écouter le témoignage d'une ancienne prostituée. C'est un extrait du documentaire d'Hubert Dubois intitulé « Survivante de la prostitution ». Toutes ces petites jeunes femmes sur les trottoirs qui n'ont pas le droit de dire, qui n'ont pas le droit de parler. C'est pour elles que je suis là aujourd'hui, c'est pour elles que je milite. Et tant que je serai vivante, je continuerai à le faire parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui parle à leur place. En tant que prostituée, j'ai été violée. Je les ai autorisées à me violer chaque jour, plusieurs fois par jour. Et c'était toujours sous couvert en fait, de l'argent. J'ai le droit, je te donne. Tu me fais quoi pourtant ? Dans quelle position ? Moi, j'en ai beaucoup qui m'ont dit « Ah ben oui, on t'aide. » Ben oui, hein. C'est une belle excuse, on t'aide. On te donne 100 euros, 50 euros, 20 euros pour certaines, mais tu en as besoin, on te rend service, et puis en plus, tu aimes ça. Mais si au moins ils avaient pu lire en moi, ils auraient compris qu'ils me dégoûtaient, qu'ils étaient répugnants et que c'était intolérable et insupportable. Ben voilà, tout est dit. Hein. Ondine Millau, vous avez rencontré deux des parties civiles de femmes qui ont témoigné au procès, oui. Qui alors, on peut les appeler Jade et Mounia, qui sont pas leurs vrais prénoms. Ouais. Je les ai rencontrées au procès, puis je les ai revues un petit peu après, plusieurs mois plus tard, pour voir un petit peu comment elles allaient. Ça n'était pas facile. Elles ont arrêté la prostitution avant le procès, hein, entamé de nouvelles vies. Simplement, il y a eu des journalistes qui ont révélé leurs véritables identités. Donc, le procès a causé des troubles vraiment importants dans leur travail, par rapport à les membres de leur famille qui ignoraient tout de cette activité aussi. Elles essayent de redevenir invisibles, de tourner la page et de se reconstruire. Elles ont pas très bien compris les faibles condamnations. Elles demandaient rien, elles avaient pas voulu porter plainte, on les a traînées là, on les a forcées à être auditionnées et entendues, et puis après rien. Donc, évidemment, pour elles, c'est un peu étonnant. Il me reste à vous remercier infiniment, Ondine Millau, d'être venue nous donner vos éclairages et toutes vos précisions. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire du Carlton, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.